Radiomatique. Thank you. c'est sur la musique de la saxophoniste Melissa Aldana que s'ouvrait la transmission 414 d'Audiomatic. De son plus récent album intitulé 12 Stars, paru en mars 2022, nous écoutions la pièce Falling. Et maintenant, c'est au tour du groupe américain Pixies d'assurer la continuité à Audiomatic. You're a little absentee.

Audiomatic, c'était la formation britannique de Comet Is Coming et sa composition Angel of Darkness, qui se retrouve sur son troisième album studio Hyper Dimensional Expansion Beam, sorti le 23 septembre 2022. Précédemment à The Comet Is Coming, il s'agissait du groupe new-yorkais Yeah Yeah Yeahs, de son cinquième album studio intitulé Cool It Down, lancé le 30 septembre 2022, il nous interprétait la chanson Fleas. Et le groupe américain Pixies débutait cette séquence musicale avec la chanson No Matter Day, qui ouvre leur plus récent album qui s'intitule Doggerel et qui est paru le 28 septembre 2022. Audiomatix poursuit maintenant sur la musique du projet trifluvien Bio Bazar. Amaestrado, ¿no? Audiomatique, nous venons tout juste d'écouter la pièce Dioras de Sal, composée par le projet péruvien Elegante y la Imperial. Il s'agit de la pièce titre du nouveau single publié le 4 septembre dernier. Et avant Elegante y la Imperial, nous y entendions une des nouvelles compositions de l'artiste trifluvien Danny Janvier et son projet Bio Bazar, à savoir la pièce Belvédère apparaissant sur son tout nouvel album intitulé Animal Parade. L'album est disponible notamment sur la page Bandcamp de Bio Bazar à l'adresse biobazar.bandcamp.com. À Audiomatique, nous poursuivons cette fois avec l'artiste islandaise Björk. Bye. Nous avions droit à Audiomatic, au groupe américain Unloved, de son troisième album, The Pink Album, qui a été mis sur le marché le 2 septembre 2022. Nous vous avons présenté la pièce Boua. Tout juste avant, c'était nul autre que Björk qui nous offrait la chanson Victimhood, qui est tirée de son 10e album studio, Fossora, paru le 30 septembre 2022. Cette transmission d'Audiomatic prendra fin sur une composition du projet House Arafna, soit Amputation Cures, qui apparaît notamment sur l'anthologie de singles 1993-2000, qui, comme son nom l'indique, rassemble les pièces des différents simples produits par House Arafna durant cette période. La pièce Amputation Cures se retrouve d'ailleurs sur l'album simple Für Immer, paru en 2000. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc pour terminer House Arafna et la pièce Amputation Cures. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Thank you. reputation is feeling good. No one will bring it back.